Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Oser l'entrepreneuriat et l'IA. Je suis Vincent, entrepreneur, et aujourd'hui on va parler de différentes choses, l'outil de la semaine comme d'habitude, notre débat central et le parcours entrepreneurial et le flop avec l'intervention de Raphaël, cofondateur de Cartel Créative, sans oublier la minute locale avec Léa. Bonjour Vincent, bonjour Raphaël, tu es notre tout premier invité, j'espère que tu n'es pas trop stressé, j'ai hâte que l'on présente aussi l'outil de la semaine et puis Raphaël qui va nous raconter son histoire, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et le débat central, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir une idée pour entreprendre ? Donc, à nous. Allez, c'est parti. Donc Vincent, est-ce que tu peux nous parler de l'outil de cette semaine ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouvel outil. La semaine dernière, enfin le dernier épisode, on avait parlé de Lovable. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va parler de Perplexity. Oula, ça m'a l'air bien perplexe tout ça. Alors Perplexity, c'est quoi ? Eh bien, c'est un moteur de recherche qui est boosté à l'IA. Concrètement, on pose une question et il répond directement via une réponse et non pas des liens comme ça peut l'être avec Google par exemple. Ou okay. Lorsque vous tapez quelque chose, vous avez une liste de liens qui apparaît. Là, ici, vous avez directement une réponse à votre demande qui est formulée, qui est rédigée. Et donc, c'est un peu plus facile pour comprendre. Ok, est-ce que tu as déjà testé ? Est-ce que tu as un exemple à nous donner pour nous faire imager tout ça ? Ouais, alors donc au lieu de taper des mots-clés comme on a l'habitude de faire et d'ouvrir, comme moi je peux le faire, 10 onglets pour trouver une réponse et lire, voilà, et lire derrière des dizaines de pages, des articles de blog, etc. pour avoir finalement une réponse à sa question. Ici, l'idée c'est que par exemple je vais poser la question « Quel est le meilleur moment pour visiter le Japon ?» et Perplexity va directement me donner une réponse rédigée, un petit paragraphe avec une réponse précise et donc j'aurai pas forcément à continuer de chercher d'autres pages. Trop alors, bien. La particularité, c'est que, évidemment, je vais avoir accès aux sources qui sont données et donc je vais pouvoir, évidemment, vérifier d'où vient cette information pour la challenger éventuellement, mais sinon, ça répond quand même globalement à la question. Ok, en fait, oui, tu as toujours de quoi vérifier avec les liens. Ils te mettent les liens à la fin de sa réponse, en fait, pour que tu vérifies quand même de toi-même, c'est ça ? Exactement. Tu as accès au lien et donc, du coup, tu peux consulter les pages où il a trouvé cette information. Donc, c'est la puissance de l'IA, hein, c'est qu'il va lui-même chercher dans les pages l'information et il te la donne sous forme d'une réponse rédigée. Oh, trop bien. Mais je vais tester, moi. Mais enfin, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Trop bien. Et toi, Raphaël, est-ce que par hasard, tu as déjà utilisé cette appli ? J'ai déjà utilisé Perplexity, ouais, je ne l'utilise pas assez à mon goût, malheureusement. Il faut que je me force un peu plus à l'utiliser. Okay. Parce qu'il est bien meilleur que ChatGPT ou Claude pour tout ce qui est recherche. Et il permet de faire pas mal de veille. Moi, je l'utilisais essentiellement sur de la veille concurrentielle. D'accord. Pour aller voir ce que font mes concurrents un peu partout en France sans devoir marquer leur nom un par un. Donc du coup, je l'ai déjà utilisé, il est super efficace et je recommande à l'utilisation pour faire plein de recherches. Ouais. C'est pas mal, j'adore. Bon bah voilà, du coup notre petit outil de la semaine, j'espère que des curieux vont se pencher sur l'outil. Et puis j'ai envie de vous dire, place à notre débat de cette émission, le débat central, attention. Donc, place à notre deuxième thématique. C'est celle que je préfère parce qu'en fait, on papote. J'adore papoter. Le débat central. Alors, une vraie question. Est-ce que l'on a encore besoin d'une idée pour entreprendre ? Vincent, est-ce que tu as une idée ? Alors, effectivement. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord ? Débattons. C'est un vaste débat car on pense souvent qu'il faut absolument avoir une idée pour se lancer. La réalité, c'est que pour pouvoir se lancer, alors souvent on peut démarrer avec cette idée qui est pour moi l'impulsion, l'envie de se lancer, mais très vite en fait le risque de juste se baser sur une idée c'est de faire fausse route, c'est-à-dire d'être omnibulé par, entre guillemets, la solution qu'on souhaite construire, alors qu'en réalité, on ne creuse pas assez le problème qu'il y a derrière et en tout cas qu'il faudrait chercher à résoudre. Donc, avant de trouver une idée parfaite, il faut surtout chercher des problèmes. Donc, le meilleur moyen, c'est déjà de regarder dans sa vie au quotidien. Tu cherches les problèmes, toi, c'est ça? Voilà, exactement. Est-ce que je rencontre des problèmes au quotidien? Ça peut être... partout, ça peut être lié à mon travail, ça peut être lié dans ma vie perso. L'idée, c'est de creuser, de faire un peu cette introspection et de voir si je rencontre tous les jours des frustrations qui pourraient amener à finalement me dire, tiens, il manque un outil, il manque une solution derrière. Et donc, du coup, bah, peut-être qu'il y a une idée là derrière de quelque chose à créer. C'est vrai que pour papoter avec des amis ou enfin des gens que je rencontre au quotidien, ils me disent oui, mais moi j'ai pas d'idée. Ils attendent vraiment d'avoir, tu vois, cette idée de la roue. Enfin, on a quasiment tout inventé, donc c'est compliqué d'inventer quelque chose de nouveau dans notre monde si complexe. Et c'est vrai que faut prendre peut-être des fois le, comment dire, dans l'autre sens, le problème dans l'autre sens, et voir déjà ce qui existe pour pouvoir l'améliorer, je pense. Oui, il y a forcément plusieurs manières, mais effectivement, on entend souvent « mais moi, je n'ai pas d'idée, donc je ne peux pas me lancer ». Ça, c'est pour moi une idée reçue de se dire ça. Si vous attendez un jour de vous lever en ayant cette idée magique et incroyable, ça risque de probablement pas arriver. Voilà, je préfère le dire. Après, on peut aussi regarder du côté des tendances. Voilà, c'est aussi un bon moyen de détecter des opportunités, se dire, tiens, il se passe quelque chose autour de ce sujet. Et donc, je commence à creuser, à étudier ce marché, cette tendance, et donc voir si potentiellement il manque pas des choses derrière. Donc ça peut être une autre technique. Et puis après, il faut aussi surtout discuter avec des gens. C'est aussi comme ça qu'on détecte parfois des choses à créer. Quand on discute avec des amis qui ont d'autres professions, par exemple, on peut se rendre compte qu'ils nous disent ah, « mais moi, je fais ça tous les jours, je sais ça pas, saoule. Voilà, je fais du copier-coller de ce truc-là. » Et là, vous vous dites « mais pourquoi il n'y a pas un outil qui peut le faire automatiquement ?» Et en fait, quand on est dedans, bah, on s'en rend moins compte. Enfin, en tout cas, on ne se dit pas qu'il peut y avoir un outil parce que bah, ça fait partie de notre quotidien et on oublie un peu ces choses-là. Et donc, le fait de discuter avec des gens, c'est avoir ce recul pour justement identifier des opportunités. J'adore Vincent, mais super. Oui, donc en gros, pour résumer, le problème, c'est pas forcément d'avoir une idée parfaite, mais c'est surtout de franchir le premier pas et de voir, enfin, d'écouter les gens et de voir les problèmes qu'il y a en fait sur cette terre. Ouais, exactement. Il faut essayer de réfléchir d'abord à ces problèmes, ça serait la première chose. Est-ce que j'ai des frustrations au quotidien? Souvent, regarder du côté des émotions, c'est un bon moyen de détecter des problèmes à résoudre. Si je rencontre une frustration, c'est que probablement il y a quelque chose un qui ne va pas. Ouais. Et puis aussi de le faire chez les autres, c'est-à-dire quand je discute avec d'autres personnes, de détecter potentiellement ces petites frustrations que les gens ont et du coup se dire tiens, c'est marrant, il n'existe pas quelque chose là-dessus. Top, bah, merci beaucoup. Place à notre prochaine rubrique qui sera le flop avec Raphaël. Bon Raphaël, c'est ton moment là. Ok, c'est parti. Rien que pour toi. On est là avec toi ce matin. Merci de ta présence déjà. Avec plaisir, c'est normal. On est très contents parce qu'on a, dans notre parcours professionnel, on a eu la chance de te croiser avec Vincent. Et on trouvait ça assez un peu symbolique de te faire venir en tant que première invitée. Et est-ce que, bah déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous présenter boîte, tout ça ? Ouais, bien sûr. Du coup, Raphaël, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Cartel Creative. Pour faire simple, c'est des studios de podcast vidéo. Oui. Donc sur Nancy. Donc on a ouvert les studios été dernier. Ça fait bientôt un an que les studios sont en activité. On ouvre nos prochains setups là courant du mois prochain. Ok. Donc voilà pour faire court. Alors, trop bien. Est-ce que tu peux peut-être que certains auditeurs ne s'imaginent pas ce que ça peut être un studio de podcast. Oui, est-ce que tu peux vrai. Juste décrire ça peut paraître évident pour nous. Mais... Globalement, un studio de podcast, c'est un studio qui est fait pour créer du contenu. On dit podcast, mais c'est surtout le mot podcast est surtout là pour le référencement. C'est un studio de création de contenu vidéo. Donc faut l'imaginer comme un studio avec un décor ou plusieurs décors, nous dans notre cas, avec plusieurs décors, des caméras qui sont déjà installées, des lumières qui sont déjà installées, des micros qui sont déjà installés, et on aide les entreprises ou les créateurs à créer du contenu vidéo et audio pour leur société, pour leur projet, pour leur page Instagram et TikTok, etc. Donc on vient avec notre sac, on se pose et en fait tout est déjà là quoi. L'idée c'était de simplifier au maximum la création de contenu, parce que je sais que j'en ai créé beaucoup, je travaille avec beaucoup de clients et en général ils mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à préparer le matériel, et c'est beaucoup de stress, et en général une fois qu'ils ont préparé leur setup ils arrêtent parce qu'ils savent ils sont juste flingués niveau énergie. Donc nous l'idée c'est que c'est nous qui prenons en charge cette partie là, toute la partie technique, tout le stress, est-ce que les caméras sont bien branchées, est-ce que tout est bien réglé, est-ce que les lumières sont ok, est-ce que je rends bien à la caméra, c'est nous qui le faisons. Comme ça le créateur ou le professionnel vient juste avec son script, son idée, il s'assoit et il fait sa vidéo, ses vidéos, et c'est parti. Mais c'est génial, est-ce qu'on peut faire tout ça dans ma vie. J'arrive, je repars. Non, je plaisante. Et du coup, d'où le nom et le titre de cette rubrique. Est-ce que tu veux nous partager ton plus gros flop? Ouais, j'en ai un qui est assez marquant, qui est pas arrivé au tout début de la création de la boîte. Nous, la boîte a 6 ans maintenant, donc on a fait, on a eu une vie avant la partie de studio de podcast, on a fait un pivot, enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais du coup, la boîte a 6 ans et le vrai gros problème, le plus gros flop, il a apparu à la 3e, 4e année. Quand en fait on a fait un gros pivot, on s'est dit ok c'est cool, on a un produit sympa, on a mis un peu trop de temps à développer le produit, mais ça je pense que vous en parlez dans d'autres épisodes. Mais une fois qu'on avait un produit, on s'est dit bon bah cool, maintenant c'est parti, on bosse. Sauf qu'on n'avait pas de vraie méthode d'acquisition pour trouver des clients. On n'avait jamais vraiment réfléchi à comment on trouvait nos clients, on s'était toujours reposé sur du bouche à oreille, ce qui est cool entre guillemets, parce que bon bah, ça veut dire que nos clients nous recommandent. Ouais, mais sauf qu'au moment où tu veux commencer à bien te développer, t'as un énorme plafond de verre, parce que du coup t'es toujours en attente d'avoir d'une nouvelle, enfin d'avoir de la clientèle, mais c'est pas toi qui maîtrises ça. Et donc du coup ça nous a mis pas mal de freins, et ça nous a pas mal fait galérer, parce que du coup ça nous a mis pas mal dans le rouge au moment où on devait se développer. Et donc du coup c'était vraiment ça la problématique, c'était en fait on avait juste pas réfléchi et pas structuré à la prospection, c'est ça. Donc, et on avait passé trop de temps à développer notre produit et à avoir un produit nickel qu'on pensait parfait. Et au final, une fois qu'on l'avait, on s'est dit, merde, on n'a personne à qui le vendre. Ouais, et on ne sait même pas le vendre. Enfin, on ne sait pas le vendre. Si, globalement, quand on est en rendez-vous, ça va, mais comment on va trouver ces gens-là? Toute cette partie-là, on l'avait juste effacée de notre esprit. Et du coup, on l'avait un peu laissé de côté, parce que sur nos 4 premières années de société, tout venait en bouche à oreille et on avait assez de travail pour pouvoir tenir et faire travailler toute l'équipe. Mais au moment de notre pivot, et du coup il a fallu refaire tout notre stock de clientèle entre guillemets, travailler avec des nouveaux partenaires, là c'était plus compliqué. Moi je sais que la prospection c'est quelque chose que à titre perso j'aime pas ça, je suis une très mauvaise commerciale et c'est pas évident, enfin tu te dis mais par où je commence, est-ce que je fais du mailing même à l'ancienne, du porte-à-porte, mais enfin plus personne ouvre les portes, enfin c'est super compliqué, même si on est dans un monde digital, mais il y en a tellement des publicités, enfin quand tu scrolles sur Insta t'en as tout le temps et tu regardes même plus, et comment te démarquer, ça c'est très très très compliqué. En tout cas j'espère que ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Niveau prospection. On s'est focus sur un canal, donc du coup, ça a débloqué un peu le truc. On a d'autres canaux à développer, mais en tout cas, on a trouvé quelque chose pour nous débloquer un petit peu de cette situation-là. Mais en tout cas, sur le moment, c'était un peu la panique, forcément. Ah, tu vois, la prospection. Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée justement du studio de podcast? Est-ce que t'es parti justement d'un besoin personnel? Est-ce que t'as identifié une opportunité à un moment donné? Qu'est-ce qui a fait que une frustration? C'était ça, opportunité, frustration. Donc du coup le studio de podcast a un an. Moi globalement j'ai toujours entrepris et j'ai toujours travaillé dans le monde de la vidéo. Vidéaste à la base, ensuite la première société qu'on a montée. Et je m'occupais aussi de la partie vidéo. Et du coup, j'étais tout le temps au contact de clients qui avaient besoin de vidéos. Et une grosse problématique qu'on avait, c'était que ces clients avaient aussi besoin de lieux pour tourner leurs vidéos. Donc soit je travaillais avec des gros clients et qui avaient de la chance et qui avaient des super locaux, et dans ce cas-là, bah génial, on pouvait tourner chez eux. Soit bah en fait la plupart des clients avec qui je travaillais avaient pas de locaux ou avaient des locaux un peu bof quoi. Ouais, un peu bof, et donc du coup voulaient pas trop tourner chez eux, étaient en mode ouais, je suis pas fan, j'ai pas envie de tourner chez moi, est-ce que on n'a pas d'autres solutions? Okay. Et donc du coup, et là est venue l'idée effectivement de me dire oui, bon bah on a des locaux, on a des bureaux, on a de la place. Bah en fait, il faut juste qu'on fasse nous des setups pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas ces locaux, qui n'ont pas des gros bureaux super jolis avec une superbe vue, de pouvoir aussi tourner des vidéos. Et donc du coup, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée du studio de podcast. Et le deuxième gros truc qui nous a fait valider cette idée, c'était que on avait et on ressentait un besoin au niveau des gens qui faisaient de la vidéo de vidéos un peu plus authentiques, c'est-à-dire que de vidéos un peu plus juste les caméras sont là, ils appuient sur rec et ils font un contenu. Bon, un podcast hein, c'est totalement ça. Il y avait aussi cette envie sur le marché d'avoir un peu plus de vidéos authentiques, là où l'arrivée de l'IA a, entre guillemets, fait du bien, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui sont mis à l'IA pour la création de contenu et c'est top, ça permet de gagner beaucoup de temps, mais donc du coup il y a aussi un besoin de retour entre guillemets d'additionner avec du contenu authentique un peu plus humain, enfin beaucoup plus humain en fait, et donc du coup ça fait que nos créateurs arrivent à trouver un juste milieu entre contenu à l'IA et contenu humain et engageant. Donc, Donc voilà un petit peu la réflexion. Je veux pas faire ma boumeuse, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est un setup? Ouais, bien sûr. C'est tout simplement, c'est un décor. Okay. Enfin, c'est un décor avec les caméras qui sont déjà en place, les micros qui sont déjà en place, les lumières qui sont déjà en place. Tout, okay. L'entièreté de ça, c'est ce qu'on appelle un setup. Donc, du coup, quand nous, on installe, on crée une pièce, on crée un setup. Donc, on va créer le décor, comment on s'installe, comment vous installez, où est-ce qu'on place nos caméras, nos lumières, nos micros, et l'entièreté s'appelle un setup. Trop, trop bien. Merci, Raphaël. Super. Et tant qu'on est dans les définitions, j'ai entendu un mot également, alors que, évidemment, je connais, mais que nos auditeurs n'ont peut-être pas, ne connaissent peut-être pas. Mm-hmm. C'est le pivot entrepreneurial. Alors, qu'est-ce que c'est un pivot? C'est pas Raphaël qui a pivoté sur lui-même. Il fait un 360 Plastan tous les mardis. Ah non, ça, c'est pas ça, je confonds. Ça, c'est le blabla run. Donc, un pivot entrepreneurial, c'est simplement changer la direction sans abandonner son projet. On pourrait le définir très simplement comme ça. Ouais. Donc, c'est ce que tu as fait concrètement. Ouais. Hein, c'est que tu n'as pas abandonné le projet, mais tu as un peu réorienté vers autre chose, mais en gardant quand même l'âme de ce que vous faisiez, la création de contenu, etc. Création de contenu, le logo, l'équipe, les locaux, et puis oui, on a juste décalé de quelques, enfin de 30, toutes les grandes 30 degrés, 30 degrés, marques pivotent. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Je pense que c'est important de pivoter. Ça montre globalement qu'on sait s'adapter. Ouais. Et que on sait très bien que quand tu montes une boîte, tu montes un projet, il n'est pas bon à 100% dès le début. Heureusement, entre guillemets, parce que ça te permet d'être sûr de, quand tu fais un pivot, de te dire ok, si je pivote, c'est parce que telle ou telle raison, c'est pas par hasard, ou j'ai pas, entre guillemets, la société ne fonctionne pas juste par hasard et parce que j'ai de la chance. Donc je suis très content qu'on ait fait ce pivot. Je recommande globalement, s'il y a des gens qui nous écoutent, de pas forcément fermer la boîte direct si ça matche pas, juste peut-être pivoter et analyser, prendre un peu de recul et pivoter, peut-être que ça suffira pour relancer le projet ou faire de nouvelles opportunités. Oh, mais que de beaux conseils, mais j'adore, j'adore. Et puis c'est quand même ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de parcours linéaire. L'entrepreneuriat, c'est quand même un long chemin. Facile. Et on prend une direction parfois et puis on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait la bonne, donc il faut se réorienter. Et donc c'est ce que tu as fait merveilleusement, donc bravo. Moi j'ai eu la chance de visiter le studio et donc c'est un très très beau studio, et effectivement ce que je trouve vraiment bien, c'est aussi le focus des caméras sur les personnes, qui est évidemment bien cadré, ça c'est votre travail, mais c'est vrai que ça met en valeur vachement l'humain, donc c'est ce que tu disais, et du coup voilà, si vous avez de la création de contenu, n'hésitez pas, Cartel Créative, donc c'est rue de l'Axou à Nancy, et le site cartelcreative.fr. Tout à fait. Super, merci en tout cas Raphaël. Merci à vous. Et puis place à notre minute locale. Alors, les prochains événements à venir à Nancy, parce qu'il s'en passe des choses quand même à Nancy, Vincent. Ah oui. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe tantôt, comme diraient nos amis belges? Pourquoi je fais ça? Moi, je veux bien justement que tu me rappelles tous ces événements qui ont lieu, parce qu'en plus, il fait beau. Donc, ouais. On a envie de, davantage de sortir. Écoute, il y a la semaine de l'IA à l'école d'Epitech à Nancy et il y a une table ronde qui sera ouverte au public pour mieux comprendre l'enjeu de l'IA. Donc que vous soyez curieux ou même parents, parce que ben c'est il y a les lycéens juste avant qui vont faire des ateliers. Donc c'est ouvert à tous et ben vous pouvez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous posez sur l'IA. C'est le 20 mai prochain, à partir de 14h jusqu'à 16h. Et vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet de l'école, donc Epitech Nancy, si ça peut intéresser des curieux ou des parents qui ont un peu peur de l'IA, parce que ça fait peur. Et en plus, c'est le mercredi, donc c'est la journée parfaite pour y aller si avec ses enfants ou ses ados. Si vous êtes à 80%, vous allez. Voilà. Après, si peut-être, Raphaël, tu veux partager un événement auquel tu vas peut-être participer tantôt, je ne sais pas. Il faut que j'arrête de dire tantôt. Je t'avoue que je n'ai rien de prévu sur les deux prochaines semaines parce que je pars en vacances début de semaine prochaine. Donc, mon calendrier est vide et je ne sais pas ce qui se passe. Il faut couper. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux si vous avez des événements qui concernent l'IA ou d'autres sujets plus numériques sur Fadjet. Et puis, j'ai envie de dire, Vincent, est-ce que ce serait pas la fin? Bah oui, c'est déjà la fin, malheureusement. Alors, bah oui. Non, mais... faut clôturer quand même, Vincent. Non, je plaisante. Non, alors effectivement, on va clôturer. Moi, je dirais que vous n'avez pas besoin d'une idée géniale pour démarrer. Vous avez besoin surtout d'un point de départ. L'idée, ça peut être l'impulsion qui vous donne envie d'oser, d'essayer. Et après. Il y a plein de techniques, comme on l'a dit, donc chercher les frustrations, identifier des problèmes chez d'autres personnes, c'est un bon moyen de démarrer et de potentiellement trouver une idée derrière. Mais n'attendez pas l'idée parfaite, elle n'arrivera pas. Non, jamais. Et puis, ben, la prochaine fois, pour la prochaine émission, on va vous parler d'un sujet qui divise. Est-ce que l'IA est en train de tuer la créativité? Aïe, aïe, aïe. Et puis, ben, d'ici là, osez.